بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أنزلنا في درسنا في أصول من علم الأصول العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. طب داني درس أنا يبقى كوا؟ الحمد لله. ها؟ هذا ماذا في الدرس الماضي؟ والظاهر والمؤول. نعم. مجمل ومبين والظاهر ومؤول. المجمل ما هو؟ يتوقف فهم المراد على غيره. يتوقف فهم المراد على غيره. ليسونس ابارون و لي ديتاي دو سي. مبين عن التعليف وما يفهم المراد منه on dit par là que le mot de base ou alors après qu'il était désigné par rapport au Mujmel, comment on doit se comporter dès qu'il est Mubayyin, dès qu'il y a un Bayyin, tu appliques. S'il n'y a pas de Bayyin, tu ne peux pas appliquer. Le Wajib, c'est d'être déterminé à ce que on y agit dès que tu auras le Mubayyin. والظاهر ظاهر سيكون كابون ما دل على المعنى في نفسه وما دل على المعنى في نفسه المعنى راجح مع احتمال غيره والمؤول هذا المعنى المرجوح c'est une chose qui est interprétée en fait qui sort de son sens de base وما هو العمل بالظاهر ماذا يجب اليوم ان شاء الله سنخوض النسخة النسخ يعني ربما بعض الفقرات on va les traduire directement pour pas trop allonger le dire parce qu'il est un petit peu long mais on peut le prendre dans notre période habituelle mais des passages il faut que je traduise directement نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى النسخ en français déjà le nosr il est traduit par l'abrogeant pour le mansour l'abrogé. قال النسخ لغة الإزالة والنقل. يعني لغة ça veut dire la suppression. Vous appelez également un نقل dans le sens de une copie. Tu déplaces une chose vers une chose. Si tu veux faire un double de clé, tu veux dire un sakh, un miftah. Tu vas faire un nosr. Une édition d'un livre, ça peut s'appeler nosra. C'est-à-dire une autre copie du livre. واستلاحاً رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. واستلاحاً c'est quoi? C'est l'abrogation du jugement d'un dalil ou de son terme avec un autre dalil du livre de la sunna. C'est-à-dire tu as un dalil et tu l'abroges par un autre dalil. Ou alors tu abroges juste son terme et non pas le jugement. D'accord ? Donc c'est où abroger le jugement ou abroger les termes du jugement. Ça va arriver avec les exemples, inshallah. فالمراد بقولنا رفع حكم اي تغييره من ايجاب الى اباحه او من اباحه الى تحريم مثلا. Qu'est-ce qu'on veut dire par le fait d'abroger un jugement? C'est le changer. Par exemple, de l'obligation, il devient permis. Ou, مثلا, de la permission, il devient interdit. Le jugement, il change. وَالْمُرَادُ بِقَوْلِنَا أَوْ لَفْظِهِ لَفْظَ الدَّلِيلَ الشَّرْعِي لِنَ النَّصْرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْحُكْمِ دُونَ اللَّفْظِ أَوْ بِالْعَكْسِ أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا كَمَا سَيَأْتِي. Et il dit, notre, le sens voulu par لَفْظِهِ, le fait que le love peut être abrogé, c'est-à-dire le love, le terme d'un dalil, en lui-même, il est abrogé, mais le hukm, il reste, il est effectif. Juste, le dalil d'où on tient ce hukm, il a été abrogé. C'est-à-dire le terme, on ne le prononce plus. Mais le jugement, il est resté. Ça va arriver, exemple, inchallah, avec le rajm. Donc, des fois, tu peux abroger le jugement et le love, il reste, ou le contraire. Tu abroges le love et le jugement, il reste. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. Donc là, بدليل من الكتاب والسنة, c'est-à-dire le nasr, ne se fait qu'avec un dalil du Coran ou la Sunna. Il y a pas de l'ijma, il est pas un nasr, et le qiyas, il est pas un nasr. Un nasr, ça vient forcément ou d'un verset ou d'un hadith. Nabawi. والنصر جائز عقلا وواقع شرعا. Que ce nasr, la raison le permet et qu'il est effectif au point de vue de la législation. أما جوازه عقلا لأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه رب المالك المالك وله أن يشرع لعباده ما تقتضي حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك ملوكه بما أراد؟ Donc العقل, c'est que tous les ordres sont dans les mains d'Allah سبحانه وتعالى. C'est lui le roi. Donc il décrète ce qu'il veut, il légifère ce qu'il veut. Et cela en fonction de ce que implique sa sagesse et sa miséricorde. Non. Donc là, Aqlan, il n'y a pas de problème. Alors, ce moment-là, s'il veut, il impose une chose, s'il veut, le lendemain, tu vois, il enlève. Plus maintenant, parce que maintenant, c'est fini. La religion, elle est murkama, mais je veux dire avant. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم والمصالح تختلف بحسب الأحوال وأزمان. Et la sagesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ou plutôt ce qu'implique sa sagesse et sa miséricorde pour ses serviteurs, qu'il leur légifère ce qu'il sait qui sera pour eux un bienfait pour leur religion ou pour leur dunya. Et les bienfaits, les avantages et intérêts, eux peuvent varier en mesure de la situation et en mesure des époques. Comme on l'a vu, des choses dans les religions antérieures étaient permises, aujourd'hui nous sont interdites, ou le contraire. فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح والله عليم حكيم. Donc il se peut qu'un jugement à un moment précis soit plus approprié pour l'ibad. Et un autre jugement que celui-ci quand même soit plus approprié à un autre moment. Ainsi de suite. Et Allah, c'est lui qui est alim hakim. Donc ça, c'est par rapport à le fait que le aql, il accepte le nasr. Maintenant, shar'an, il dit quoi? Min adilla qui prouve que le nasr, il est effectif, il se fait. Qu'Allah ta'ala, ma nansakh min ayatin, aw nunsiha, na'ti bi khaylin minha, aw mithliha. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'abrogeons pas de verset, ou nous le faisons oublier, sans venir par un autre équivalent ou meilleur. Surat al-Baqarah, verset 106. Donc là, ce verset te montre quoi? Manan sakh. Que Allah, il te dit que s'il veut, il annule un, il abroge un jugement. Il abroge un jugement. Et kadhalik, قوله تعالى الآن خفف الله عنكم, que maintenant Allah a minimisé pour vous, vous a allégé. Al-Anfal 66. وقوله فالآن باشروهن فإن هذا النص في تغيير الحكم السابق. Ce texte-là, ces deux versets, viennent pour ماذا? Changer le jugement qui les précédait. Dans le verset sur Al-Anfal, c'est qu'au début, Allah subhanahu wa ta'ala avait dit فَإِنِّيَكُمْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِيَتَيْنَ. S'il y a parmi vous 100, ou plutôt Afwan, s'il y a parmi vous 20 endurants, ils peuvent triompher sur 200. Après, s'il y a parmi vous 100, ils peuvent triompher sur 1000. Après, Allah Azzawajal, الْأَنْ خَفَفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَا نَفِيكُمْ دَعْفَ. Que Allah vous a allégé, car il sait qu'en vous, il y a une faiblesse. فَإِنِّيَكُمْ مِنْكُمْ مِيَتُنْ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِيَتَيْنَ. Et que si maintenant, s'il y a parmi vous 100 endurants, ils peuvent combattre 200, ça veut dire le double. Alors qu'avant, c'était de 20 à 200, c'est plus que le double. Et de 100 à 1000, c'était bien plus que le double. Donc après, ça a été minimisé. Maintenant, c'est-à-dire que si ton ennemi, il est le double en nombre, tu le combats. Plus, là, c'est autre chose. Pour regarder. Mais en tout cas, avant, c'était obligatoire d'y aller. Après ça, c'est notre masla. Non. Voilà, ça, les fins, troisième dalil. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم l'a dit, je vous avais interdit de visiter les tombes, maintenant visitez-les. Donc ça, c'est un texte qui démontre que le jugement de l'interdiction de visiter les coubours, il est mansour. Quand on dit mansour, ça veut dire il est abrogé. Après, il y a des choses dans lesquelles quand on est ma yamtani' nasruhu, des choses qui n'est pas possible qu'elles soient mansoukha. Ce n'est pas possible. Minha al-akhbar, les informations. Car à la base de nasr, c'est où son emplacement? Dans les arkem, dans les règles. Ah, mais les akhbar, elles ne peuvent pas être mansoukha. Pourquoi? Ça veut dire que c'est un mensonge. On a dit, c'est quoi le khabar? Maintenant, on va dire, khalas, cette histoire s'est passée. Pour dire, cette histoire elle est abrogée, c'est pas passé. C'est-à-dire que là, c'est pas passé. Donc, on peut pas, c'est un ansar khabara. Donc, le khabar d'Allah, il est là, une sorte, abadan. Hormis, quel khabar? Celui qui est voulu par la forme du khabar qui est voulu quoi? El-incha. Il y a des incha, un ordre ou une interdiction, il est venu sous la forme d'un khabar. Là, c'est un hukm, c'est plus un khabar. Mais son apparence, c'est un khabar, comme on l'avait pris. Mathalan, yakoulu Allah Azza wa Jal, in yakoun minkum ishurun sabirun, yagribu miyatayn. S'il y a parmi vous 20 endurants, il triomphe sur 200. Là, c'est quoi l'apparent du texte? C'est un khabar. Car c'est une chose qu'Allah l'informe. Et c'est quoi le mourad en fait là? C'est un amr que les 20 doivent combattre même les 200. Mais l'apparence, est-ce qu'on voit un amr dedans apparent? On ne le voit pas. Mais là, ce qui évolue, comme on l'a préparé avant, c'est un khabar, urida bihi incha. C'est un khabar par lequel on veut en fait un ordre. Comme on avait dit, Messalène, un tel, il reste à la maison. On dirait en fait, tu restes. Donc il a été après abrogé par l'autre verset qu'on a lu tout à l'heure. Naam. Thumma qal. Donc ça, c'est la première chose qui ne peut être mansour, c'est les akhbar. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'était l'histoire des prophètes antérieurs, communautés antérieures, ghayr zalika. Il n'y a pas de nansour dedans. Thaniyan al-ahkam allati takun maslahatan fi kulli zamanin wa makan, kat-tawhid wa usul al-iman. Les choses, les règles, qui sont une maslaha en toute époque et en tout lieu. Comme le tawhid, comme les fondements de la foi, comme usul al-ibadat, ou les bons comportements, ou la véracité, ou l'abstinence, ou le courage, la générosité, et autres, parmi les bons comportements. Ça, mais une sorte. C'est pas tuer Salen Kalim, après on te dit de devenir bakhil. الكرامة هذا من حسن الأخلاق التي تتلازم بها المسلم. صدق كذلك، فهمت؟ صدق كذلك. Et son contraire, qu'il n'est pas possible d'abroger une interdiction d'une chose qui est, elle, immonde. La rendre permise par la suite. La même chose qui est qabih, qui coule les amènes en maken, en tout lieu, en toute situation. Comme le shirk, la thalane, le kufr, le mauvais comportement, le kazib, le fujour, c'est-à-dire les turpitudes, le bukhl, le djoubun, le contraire de tout ce qu'on a cité auparavant. Pourquoi? Car le shada'i, tout ce qui a été légiféré, c'est des masalih pour les serviteurs. Et ceux-là, ils ont également été instaurés pour repousser les mafasid. Donc comment peuvent-elles être abrogées? Hadha la yaslah. Donc on ne peut, il n'y a pas d'abrogation fima hadha dans les akhbar et dans les ahkam latifi à masalih fi kulli zaman wa makan. Thumma qal shurut an-nasr. Shurut an-nasr. Les conditions pour l'abrogation. Minha ta'adhur al-jam bin al-dalilayn. Fa in amkana al-jam fala an-nasr li imkan al-amal bi kulli minhumā. Qu'il est possible de pouvoir joindre entre deux dalils. Si jamais on peut lire entre deux dalil, on ne peut pas dire qu'il y a un nasr. Pourquoi? Parce que là, on peut le moins joindre entre les deux. Et des fois, ça vient à quoi? Quand, comme le fait, par exemple, la masala qu'on prend souvent, le fait de boire debout ou assis. On peut lire entre les deux hadiths. On peut dire que Nabi Sallam, il a interdit. Après, il l'a fait. Pourquoi? Il y en a qui ont dit que c'était abrogé. Il dit non, c'est joignable. On peut dire simplement que c'est makruh, détestable. Ce n'est pas abrogé. Fanian, al-ilm. بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر صحابي أو بتاريخ. Il faut savoir que le texte qui est nasikh, il est venu après le mansoukh. On a l'ordre chronologique. C'est-à-dire, si tu n'as pas l'ordre chronologique, tu ne peux pas dire que ça, c'est un nasikh, ça mansoukh. Tu ne sais pas quand est-ce que lequel des deux arrive en premier ou en dernier. Et comment tu peux savoir le ta'akhur? Soit par un texte lui-même. Par exemple, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith qu'on a préparé avant, « Kuntu nahaytukum an ziyat al-kubur » Je vous avais interdit de visiter les kuburs, mais maintenant faites-le. Ça c'est « wadih » qu'avant c'était interdit, maintenant c'est permis. Donc un texte le démontre que c'est abrogé, ou alors ça peut être le khabar de sahabi qui te l'informe, c'est une chose qu'il faisait auparavant et que par la suite elle a été abrogée. Ou alors tu connais la date. À quel moment tel dalil est venu et à quel moment l'autre qui s'y oppose il est venu. Celui qui s'y oppose jaa mutaakhiran fa yumkin an takuna annahu nasikh, c'est possible, mais si les deux sont joignables il n'y a pas de nasikh كذلك. قال ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات. Que مثلا l'exemple de ce qui a été منسوخ par le khabar de sahabi, كلام de Aïcha رضي الله عنها, qu'elle a dit que dans ce qui est venu du Coran comme révélation, que 10 allaitements avant, 10 allaitements connus rendaient haram, yani faisait que la femme qui avait allaité devenait mère de lait pour l'enfant allaité. Ensuite, c'était abrogé par quoi? Par Khams. Par Khams, Radha'at. Le fait d'allaiter l'enfant 5 fois. Un yashbar, gazalik, qui soit rassasié. Après ça, l'enfant, il devient enfant de lait de la mère, de la femme qui a allaité. Avant, c'était combien? C'était 10. Et ça, c'est dans quoi? Dans le Coran. Donc là, ça répond à ta question sûrement que le hukm et le hukm et le love, ils ont été abrogés. Et ça, c'est parmi la dilla qui montre que la sunna tansakh le Coran. Parce que là, ils ont dit non. Ça, c'est parmi la dilla. Wa mithal ma ulima bi tarikh qawluhu ta'ala al-an khafafa Allahu 'ankum. Ce qui était connu par l'ordre chronologique, la date, Allah dans le sens où il l'a dit, et aujourd'hui, maintenant, Allah vous a allégé. Pourquoi? C'est quoi l'indice qui dit que c'est, on connaît que cela est venu après? Il a dit LN. C'est-à-dire maintenant, c'est-à-dire à partir de maintenant, Allah vous a allégé. C'est-à-dire qu'avant, c'était plus lourd pour vous. وقال وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعده بما يخالفه فالثاني ناسخ. Que si le Nabi صلى الله عليه وسلم, il était cité de lui qu'il est, مثلا, il lui a un jugement pour une chose avant la hijra, et que ensuite après la hijra, un nouveau jugement est venu, alors cela démontre que celui-ci est abrogeant. ناسخ. مثلا avant, la salawat c'est combien? Deux fois par jour. Fi sabah wa fi layl. Ensuite, les salawat sont venues. Donc, ça a abrogé le jugement précédent. Les salawat sont descendues par contre à Mecca. Comme la hijra. Alex Well. Je pensais que l'exemple là, c'était Wardé. Ça, c'est toujours. Comme on a dit la condition d'avant, on ne peut pas faire le diable. Mais si c'est un truc comme à Medina après Mecca, à la Koulihan, c'est Maxime. Si on ne peut pas faire le diable, et on connaît l'ordre chronologique. ثم قال ثالثا troisième شرط ثبوت الناسخ واشترط الجمهور ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثلا له فلا ينسخ المتواتر عنهم بالاحد وان كان ثابتا والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثلا لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. Donc certains ils ont mis quoi comme condition, même c'est le jumhur, la plupart des savants, ils ont mis que le hukm nasir soit plus fort ou égal au mansour. Par exemple, un hadith ahad ne peut abroger un hadith mutawatir. Mutawatir, c'est celui qui était grandement répandu. Un hadith qui était apporté par plein de sahabis. Et ahad, pas peu. Donc il dit celui-là, non. Par exemple, un hadith qui est asah qu'un autre. Un qui est sahih, et l'autre il est asah, minhum. Mais il dit si l'autre est sahih, non. Même si l'autre il est asah, ben celui qui est, yani, rodbadu akal sihatan, yani sah. Il est sabatat et shurut. Il est ishtamat et shurut. Si les autres conditions sont réunies, même le hadith qui est peut-être un peu moins authentique, moins fort dans l'authenticité que l'autre, il peut l'abroger quand même. Mathalem, c'est pas un short. Tant qu'on est sûr qu'il est authentique et qu'on ne peut lier entre les deux et que l'on connaît la date, Mathalem, ou qu'alors c'est le call d'un sahabi. Ça, non, ça, c'est pas conditionné. Voilà. Il y en a, ils ont dit ça. Et il y en a, ils ont dit pareil, si le hadith il est authentique, l'autre il est un petit peu moins, il peut pas être nasir. On dit si quand même, il peut l'être. Il peut l'être, c'est pas une condition. ثم قال اقسام النسخ les catégories de nasr d'abrogation et il se met de trois ثلاث اقسام الاول ما نسخ حكمه وبقي لفظه وهذا هو الكثير في القران ce dont le jugement a été abrogé mansukh mais le dalil il est resté on le prononce toujours comme dans le coran cela est fréquent il dit مثلاً le verset qu'on a appris. Et il n'y a qu'un minkum ishrun sawabirun, yahrebu miyatayn. S'il y a parmi vous 20 endurants, ils doivent combattre 200. D'accord? Donc le verset là, il était abrogé par l'autre. Pourtant, dans le Coran, on le reste toujours. Il était abrogé par quoi? Al-an khafafallahu ankum, wa alimana fikum za'afa. Al-aya. Que maintenant, Allah, il vous allait minimiser, alléger. Et il sait qu'il y a en vous une faiblesse. Et s'il y a parmi vous 100 endurants, ils combattent 200. Le verset abrogé, El Mansour, Baki, toujours présent, il n'a pas été enlevé. Et parmi les sagesses que le love y reste, c'est Mathalen, El Husoul, Ala Thawab, Pitilawa, que tu as encore la récompense de réciter. Parce que le Coran, c'est du Ta'abou, que tu récites, tu prends du Hajj. Et également pour rappeler la Ummah, la sagesse des Nasr, qui se rend compte que Allah يعني يرحمهم. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه. Le contraire. Dont le terme, le dalil, lui, il a été abrogé, mais le hukm, il reste. Et هذا في ماذا, dans le verset qui indiquait la lapidation. Il y avait un verset dans le Coran qui indiquait la lapidation et qui a été retiré. Et le hukm, ثابت إلى الآن. Comme va le prouver le Athar de Omar. قال فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد رجم في كتاب الله فيدل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. Donc il a dit, c'est quoi la preuve? Parole de rapportée par Ibn Abbas, que Omar, il a dit quoi? Il a dit qu'il y avait parmi les versets descendus par Allah, le verset du rajm, la lapidation. Nous l'avons récité, nous l'avons compris, même, et nous l'avons gardé, c'est-à-dire en nous, nous en rappelons. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a lapidé devant nous. Nous avons lapidé après lui. Et je crains que le temps n'avance et que les gens viennent à dire un jour que nous ne trouvons pas ce jugement dans le livre d'Allah. Donc après, ils s'égarent en délaissant une farida d'Allah. Jusqu'à là, l'ordre obligatoire. Car le rajm dans le livre d'Allah est un droit sur qui? Sur le zani qui a été marié de façon légiférée. Qu'il soit un homme ou une femme. Zani, c'est le fornicateur. Et cela comment? S'il y a eu une bayyena, des preuves, comment cela? Quatre témoins qui ont vu la chose clairement. Ou alors, une grossesse sans mariage d'une femme. Et ça, il y a des ulama là-dessus, ils disent que c'est yuna akash. De toute façon, c'est marié avec un djinn. T'es pas au courant, مثلا. En tout cas, Omar, lui, voyait ça. Ou l'irtirov, qu'il avoue. Ce qu'il a fait. Il avoue son péché. Du coup, Zina, il a dit, j'ai fait Zina. Dans cette situation-là, Narjem. Il avoue, quand même, pour Omar, qu'une femme vienne enceinte sans avoir été mariée. Ou alors, Beyena, c'est-à-dire, Shahada, le témoin. Des preuves claires. Donc là, il y avait un verset dans le Coran qui parlait du rajm. Et il était abrogé. Le terme, le verset, le hukm, thabit ila al-an. Le jugement, il est toujours effectif. Et on n'a pas de hadith qui cite que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lapidé. Même des Yahoud. Même des Yahoud. Et la sagesse, justement, d'abroger un lafz, donner le hukm, que le jugement y reste, c'est pourquoi? Pour éprouver la Ummah dans les œuvres. Des choses qu'ils ne trouvent pas dans le Coran. Et un tahqiq de leur iman. Une chose que Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu. Pour vérifier, vraiment, s'assurer, quand même qu'ils veulent la vérité. Pour les tester. Contrairement aux Yahoud, qui eux, ont voulu cacher des versets qui eux étaient effectifs. Dans leur rajm. L'histoire, on la connaît. Pourquoi? Parce que eux, fut un temps, ils appliquaient le jugement sur le faible et laissaient le riche, ils l'épargnaient du jugement. Donc après, ils ont dit, il faut qu'on trouve une solution pour jouer entre les deux. Ils ont inventé un jugement qui était le fait de noircir avec du goudron, mettre sur un âne et faire tourner dans le souk et que les gens insultent sur le café Zina. Et après, le Nabi Sallam l'a dit, Hada alladhi fi kitabikum, dans la Torah, c'est ça. Ils ont caché le verset du rajm et Abdullah ibn Salam, il est venu, qui était un Yahoudi avant, et il a dit à l'autre, lève ta main. Il lui sa main et dessus il y avait le verset du rajm. Il dit, vous avez menti, vous avez caché le verset. Le verset est toujours là. Car Abdullah ibn Salam, c'est un alim de Yahoud. connaissez les versets. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la lapide des juifs. Thalithan, manusikha hukmu wa lafzuhu. Ka nasr 10 rada'at as-sabiq fi hadith Aisha radhiyallahu anha. Et une chose dont le jugement a été mansour, ainsi que le lafz, les deux ensemble, il n'y a plus le verset ni le jugement, c'est les 10 allaitements. Comme on l'a cité dans le hadith de Aïcha, auparavant. Mafoumada. Donc là, ce sont les aksam du Nasr. Ce dont le jugement reste, le lafz a été abrogé. Ce dont le lafz reste, le jugement est abrogé. Ce dont les deux ont été abrogés, le lafz et le hukm. ثم قال وينقسم النصر باعتبار الناصر الى اربعه اقسام. Maintenant, cette abrogation par rapport à l'abrogeant se divise en même encore en quatre catégories. La première, نص القران بالقران. Que le Coran abroge le Coran. Un verset dans le Coran en abroge un autre. Comme dans sourate Ayat al-Musabara. Des 20 qui doivent combattre 200 et des 100 qui doivent combattre 1000. D'accord ? Ça, c'est un verset du Coran qui a abrogé un autre verset du Coran. Thani, que le Coran, lui, il est abrogé par la Sunna. Le Coran est abrogé par la Sunna. Et ça, c'est un mahal khilaf. Il y en a, ils ne voient pas que la Sunna tansakh le Coran. وقال المصنف شيخ العثيمين ولم اجد له مثالا سليما. Je n'ai pas trouvé d'exemple. Quand on dit salim, c'est-à-dire sur lequel il y a, tout le monde est d'accord, ijma. Ou que le hadith, il n'y a pas un kalam dessus. Mais pourtant, il cite auparavant le jugement justement de Rada'a. Il y en a, il se sert comme ça comme dalil. De Aïcha. C'est abrogé ce qui est dans le Coran. Et le chaleur, c'est tout. Je n'ai pas compris pourquoi il a dit qu'il n'a pas trouvé d'exemple. Bah en tout cas, le jugement de 5 rada'at, il est ma'alouf. Allah a'la. Par exemple, je crois que le Shafi'i, il voit qu'il n'y a pas de nasr à le Coran bi-sunnah. La falane. Thalith, troisième, que la sunnah, nasr al-sunnati bi-Coran. Que le Coran vient pour abroger de la sunnah. La falane, istiqbal bayt al-Maqdis al-Thabit bi-sunnah. Bi-istiqbal al-Ka'ba al-Thabit bi-kulla azza wa jal. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. مثلا le fait qu'avant on se tournait vers quoi, et le Bayt al-Maqdis dans la salat. Le Coran est venu pour abroger cela, pour dire qu'il se tournait vers la Qibla. Donc ça, c'est un verset qui a abrogé la sunna. رابع نص السنة بسنة, que la sunna vient abroger la sunna elle-même. Quel exemple ? Masalan, l'exemple qu'on a pris auparavant, Ziyarat al-Kubur, de visiter les Kubur. Fahemt, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait interdit, par la suite il l'a rendu permis. Il y a plein d'exemples. Qala hikmat al-Nasr. Maintenant, c'est quoi la sagesse du Nasr ? L'Nasr hikamun متعددة منها الى مات sagesse parmi elles, le fait d'observer les masalih pour les ibad, en leur légiférant des choses qui leur sont plus bénéfiques dans leur dîn et dans leur dunya. ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال, l'évolution dans la législation pour qu'elle arrive à la perfection. Quel exemple, مثلاً, le khamr. Il n'a pas été interdit d'un coup, du jour au lendemain. Il était interdit par étape. Par étape, au fur et à mesure. Première étape, c'était quoi? Aïwa, ne pas boire avant la salat. Ensuite, c'était venu quoi? Ne plus boire. Thalithan, irtibar al-mukallafin bi-istirdadihim li-kaboul al-tahawwul min hukmin ila-akhar wa ridahum bi-dhalika. Pour tester le mukallaf, qu'il soit prêt à accepter quand même le changement d'un jugement vers un autre. Ça veut dire qu'il est prêt à obéir. Samiana wa ta'ana. Quelle que soit la situation, il est prêt. Hier, on lui a fait ça, il le faisait. Après, tu lui fais autre chose. D'accord, je fais. Donc, si t'en as dit, non, je fais ça, je reste là-dessus. Change pas. Ça y est. Ça veut dire que toi, Mais maintenant, ça c'est quoi? C'était avant. Maintenant, il n'y a plus de nas, c'est fini. El yom akmeltu lakum dinakum. Quand même. Là, aujourd'hui, j'ai parché votre religion. Aujourd'hui, la religion est terminée, il n'y a plus de nasr. Le nasr, on le connaît, le mansour, on le connaît. Donc, pour que tester les ibad, qu'ils soient prêts à se soumettre, à accepter, et qu'ils agréent cela. Rabi'an, ikhtibar al-mukallafin biqiyamihim biwazifati shukri, idha kana al-nasr ila akhaf, wa wazifati sabr, idha kana al-nasr ila afqal. Pour pouvoir tester le mukallaf également, qu'il reste reconnaissant à son Seigneur, du fait qu'on lui abroge un jugement qui était lourd pour un plus léger, ou le contraire, d'un jugement qui était léger pour plus lourd. Exemple d'un lourd et un plus léger, Ayat et Moussa Abara, les 20 qui devaient combattre avant 200, après c'est venu, ça a été minimisé, ça c'était Afqal il est Akhaf. Et le contraire, sixième Ramadan, qu'avant ce Ramadan il n'était pas obligatoire. Les gens avaient le choix, soit de itam el masakin, de nourrir des masakin, ou de jeûner. Après c'est devenu obligatoire. Donc là c'était min akhaf il afqal, du plus léger au plus lourd. Donc là c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du nasir mansour, qu'on appelle l'abrogeant et l'abrogé. مفهوم هذا الدرس؟ طيب سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.